beaucoup de génériques hein, ont été repris pour, avec ce morceau, cet instrumental de Jean-Claude Petit. Beaucoup ont fait leur émission avec, hein, donc je fais un petit clin d'œil au passage, je ne citerai pas de nom. On continue ce programme musical dédié à la chanson française sur votre radio. Et concernant justement la chanson française, nous sommes en été. Oui, on est passé, ça fait déjà un petit moment, on est passé à l'heure d'été. Mais là, c'est le titre interprété et chanté merveilleusement par Marc Lavoine. C'était en 2005. J'aime les longues, longues, longues après-midi, quand le printemps entre dans les appartements, quand les journées s'allongent, les jupes se font mini. Alain Souchon me chante Allô Bobo, maman. J'aime les longues, longues, longues après-midi, les longues jambes des longues filles nonchalamment, foulant le sol du Luxembourg aux Tuileries, au milieu de la foule sentimentale des gens. Barba papa, baiser sucré, une paille pour deux, les amoureux, les psycholés. Y'a du lilas dans les pensées, y'a pas de doute, on est passé à l'heure d'été. J'aime les longues, longues, longues après-midi, quand le soleil épouse le souffle frais du vent, les coquelicots, les colchiques. Barba papa, baiser sucré, une paille pour deux, les amoureux, les psycholés. Il y a du lilas dans les pensées, y a pas de doute, on est passé à l'heure d'été. J'aime les longues, longues, longues après-midi, les longues ombres autour des arbres chantiment, les filles et les garçons dans le gazon se lient, au milieu de la foule sentimentale des gens. Barba papa, baiser sucré, une paille pour deux, les amoureux, les psycholés. Y'a du lilas dans les pensées, y'a pas de doute, on est passé à l'heure d'été. L'heure d'été, c'est le nom de l'album et ce titre que vous venez tout juste d'écouter. On est passé à l'heure d'été. Bon, voilà, ça c'est fait. Et puisque c'est l'heure d'été, c'est les vacances et on peut tout oublier. Hein. Comme dirait une chanteuse à vrai, ça, tout oublier. Voilà. Mais ce n'est pas ce titre. C'est vacances, j'oublie tout par élégance. Sur Star Power Music. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, en

je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, je dis tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Vacances, je dis tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, je dis tout, plus rien à faire du tout. Ça c'est super, folie légère, c'est fou. Vacances, je fais tout, plus rien à faire du tout. Et oui, vous le savez, nous faisons un thème sur les Champs-Élysées, sur les vacances, sur les bals masqués. Bals masqués, oh, j'ai fait un petit lapsus. Mais on va y revenir, hein. ça vous donne le programme un petit peu en avance. Mais si le c'est mon pays, c'est l'amour, hein, tout simplement. C'est interprété par le boss Johnny Hallyday. C'était sorti en 2018, d'ailleurs le titre éponyme à son album. Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Je viens d'un pays où l'on peut se les armes, une patrie gouvernée par le rire et les larmes. C'est là-bas mon histoire tout au bout de ce monde, où mon cœur se répare seconde après seconde. Mon pays, c'est l'amour. Pour mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Jamais quitté, il est ce que je suis et tout ce que je fais. Mais moi je sais qu'il se souvient de moi, peu importe où je vais, il m'y attend déjà. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi, j'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. C'est toi en même temps que toi. Excellente écoute sur votre radio. C'est Manu pour l'émission La Note en Chantant, émission mensuelle à retrouver régulièrement sur vos radios. Pour continuer, c'est Michel Sardou. Le bal populaire, bien sûr, les bals populaires, un classique de la chanson française. C'était dans les années 70, exactement 1970. Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous. Sur des airs populaires.

tous les jours, c'est dimanche, et nous dormons longtemps. À midi, sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil. François Deguy, avec ce titre emblématique des années 60, je vous propose de passer beaucoup de décennies pour arriver aux années 2000 avec Les Bords de mer. Les Bords de mer, c'est un titre de Julien Deray. Je paye en liquide ma chambre single à Palavas. Les bords de mer me désespèrent sans ta tronche. Les bords de mer sont des posters où rien ne bronche. Les sports de glisse, les feux d'artifice, comme c'est joli, comme c'est con. Un avion passe, traîne derrière lui, rien, je t'aime, pour toi tout baigne. Moi, par ma crasse, les bords de mer me désespèrent sans ta tronche. De mer sont des posters où rien ne bronche. Et tu cours avec lui comme un Malibu, un peu au ralenti, à perte de vue. Il est parfois bon de se noyer. Dans ma libu, j'ai bu la tasse, assis en terrasse, quand t'es passé pas toute seule. Je reprends la même blonde à son bras, je fais la croisette, je fais la gueule. Et je t'en passe les bords de mer. Désespère sans ta tronche. Les bords de mer sont des posters où rien ne bronche.

l'horizon. J'entends au loin l'écho d'une chanson. Et je sens mon rêve s'envoler tendrement là-bas, là-bas, vers celui que j'attends. J'ai durant bien des nuits préparé pour lui mes plus beaux atours, ma jolie robe de velours, ah, mon corsage en linon, mes petits jupons, ma chemise à jour. Tout n'attend plus que son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon et que la nuit entre dans ma maison, en rêvant, j'entends le vent qui chante pour moi, tout bas, tout bas, qu'un jour il reviendra. Et malgré les jours qui passent, jamais mon cœur ne se lasse, j'attendrai toujours, toujours son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon, j'entends au loin l'écho d'une chanson. Et je sens mon rêve s'envoler tristement là-bas, là-bas, vers celui que j'attends. Je ne mettrai jamais mon linge brodé, ni mes beaux atours, ma jolie robe de velours, ah, mon corsage en linon, mes petits jupons, ma chemise à jour, qui n'attendait que son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon, je reste seul au seuil de ma maison. Mais hélas, le vent d'hiver pour moi, tout bas, tout bas, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas. Voici pour ce tout dernier titre avec Lynn Renault que vous venez tout juste d'entendre. L'émission est terminée. Je tiens à vous rappeler quand même les titres que vous avez pu entendre avec Joe Dassin. On avait commencé par lui pour les Champs-Élysées. Jean-Claude Petit et son orchestre pour le générique de Champs-Élysées, bien sûr, l'émission. Marc Lavoine, on est passé à l'heure d'été. Élégance, vacances, j'oublie tout. Le boss Johnny Hallyday avec Mon pays, c'est l'amour. Michel Sardou et les bals populaires. La compagnie créole avec le bal masqué. Gérard Lenormand, la petite valse. Des Herlès, voyage, voyage. François Deguay, bien sûr, avec ce titre qu'on ne pouvait pas oublier en cette période de congé. Le ciel, le soleil et la mer. Julien Doré, Les bords de mer et Herbert Léonard, Elle a les yeux revolvers. Et vous venez tout juste d'entendre Lynn Renault. Ainsi se conclut ce numéro 90 de La Note en chantant, à retrouver bien sûr sur votre radio. Et rendez-vous exactement le mois prochain pour le numéro 91. Allez, ciao, bye bye, c'était Manu pour la note en chantant.